Avons-nous bien pris toute la mesure de la façon dont l'informatique bouleverse notre existence ? À force d'entendre parler jour et nuit de révolution numérique, cette expression n'a-t-elle pas perdu son signifié ? Alors même que depuis l'irruption de l'informatique dans nos vies il y a près de 50 ans, c'est notre rapport au faire, au dire, au comprendre et jusqu'aux niveaux les plus intimes de notre vie quotidienne qui ont été modifiés en profondeur. Et jusqu'où vont nous emporter ces nouveaux outils que l'on qualifie d'intelligences artificielles, alors même qu'ils ne sont pour la plupart que des machines certes très efficaces, mais encore diablement bêtes. Gérard Berry, le meilleur des mondes informatiques, c'est notre troisième grand entretien de cette nouvelle saison et notre invité pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Gérard Berry. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté d'être donc notre troisième parrain pour cette troisième saison de la méthode scientifique. Je rappelle que vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Algorithmes, Machines et Langages et également auteur de L'hyperpuissance de l'informatique, Algorithmes, Données, Machines, Réseaux, c'est chez Odile Jacob. Alors vous expliquez dans ce livre, c'est ce que je viens de dire en quelques mots dans cette introduction, vous expliquez qu'il y a en fait une sorte de malentendu dans nos sociétés entre précisément la société d'une part, les citoyens, les politiques, et de l'autre part, le monde informatique, que finalement on n'a pas bien pris encore individuellement et collectivement la mesure du bouleversement que nous traversons depuis 50 ans. Oui, c'est assez vrai, c'est aussi assez normal, parce que ce bouleversement ne ressemble pas du tout au précédent, parce qu'il travaille avec une autre matière, je dirais, les bouleversements de la grande révolution industrielle, ça travaillait sur l'énergie, le moteur, la matière, les ondes, etc. Puis maintenant, on travaille sur l'information, et l'information, c'est quelque chose qu'on savait qu'on la manipulait, parce que quand on se parle, on donne de l'information, mais on n'en avait pas de théorie, on n'en avait pas de pratique généralisée, et maintenant, c'est devenu peut-être encore plus important que la matière et que l'énergie. Alors, c'est relié à la matière et l'énergie, bien sûr. Il n'y a pas d'information sans matière et sans énergie, mais c'est un peu indépendant. Et donc, on peut faire avec l'information des choses extraordinaires qu'on ne peut pas du tout faire avec la matière. Alors, il y a tout de même une théorie de l'information de Shannon qui arrive dans la deuxième moitié. La théorie de l'information de Shannon, c'est plutôt une théorie de la communication. Oui, c'est ça. C'est une théorie très technique. Oui, c'est une théorie technique sur la communication qui sert aussi. Elle mérite son nom. Hein. En 48, je cherchais la date. Voilà. Ouais. Elle mérite son nom, mais il y a aussi une théorie du calcul, parce que c'est le calcul sur l'information qui est vraiment très importante. Ça a commencé avec Turing et Church en 1936, mais il y avait déjà des précurseurs. Mais après, avec les ordinateurs et le programme enregistré inventé par Turing, on a compris qu'on avait une souplesse extraordinaire. On n'a jamais fabriqué une machine aussi souple, puisque c'est une machine dont on peut télécharger le fonctionnement, essentiellement. Alors qu'un moteur, on le construit, puis après, il fait ce qu'il fait. Et là, non, un ordinateur, on peut lui faire, tout ce qu'il peut faire, du moins. Il ne peut pas tout faire, mais tout ce qu'il peut faire, et on peut, à tout ordinateur du monde, lui faire tout ce qu'on sait faire avec un ordinateur, plus ou moins vite, plus ou moins efficacement. Et à propos de Turing, on va conseiller une nouvelle fois la magnifique grande traversée consacrée à Alan Turing, réalisée sur la grille d'été de France Culture par Amaury Chardot. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission que vous connaissez maintenant. J'ai oublié de vous le rappeler, mais vous pouvez nous suivre toujours sur notre fil en vous abonnant au compte @laméthodefc. Un mot pour tout de même resituer un peu ce que vous essayez d'expliquer, ce que vous essayez de circonvenir, en tout cas, votre intention, puis on y reviendra dans la deuxième partie de cette émission, Gérard Berry, mais vous dites qu'aujourd'hui, finalement, dans la façon que l'on a, que nous, les médias, que les décideurs, que les grands personnages publics, politiques, privés, industriels, ont vis-à-vis de l'informatique, c'est avant tout, finalement, un problème sémantique, c'est-à-dire qu'on mélange tout, on met tout au même niveau, informatique, numérique, algorithme, intelligence artificielle, robotique. Il y a à nouveau un travail de redéfinition à faire ? Il y a un travail de clarification qui est, vous n'avez pas besoin de le faire à la Silicon Valley, hein, c'est beaucoup en Europe qu'on a besoin de faire ça, ni en Asie où ces notions sont parfaitement connues. Je dirais que l'informatique a été quelque peu dédaignée historiquement en France et en Europe de manière générale, que nous sommes absents de l'industrie, C'est peut-être le seul domaine majeur au monde où nous sommes autant absents de l'industrie, une seule société dans les 100 premières mondiales. Nous ne sommes pas du tout absents de la recherche. Alors là, pas du tout. La recherche française est très haute qualité. Il n'y a pas de problème. Mais on parle beaucoup des faits divers de l'informatique. On parle des dernières nouvelles. On parle des... Il y a des modes. Alors donc, on a parlé que de l'imprimante 3D. Pendant une certaine époque, plus personne ne parle de l'imprimante 3D. Pourtant, elle est toujours là. On en parle un petit peu quand même. Un petit peu, oui. Mais bon, il faut chercher maintenant. Ou dans la recherche, dans la recherche biomédicale, dans le spatial. On a parlé de la magie de l'apprentissage automatique. Ça fait des choses tout à fait extraordinaires. Magique, je dirais pas ça, mais extraordinaire et inattendu encore il y a peu. Mais l'informatique est partout. Quand on prend sa voiture, elle est bourrée d'informatique, une voiture, et ça, on s'en rend pas compte. Et comme on n'enseigne pas ça, non, la plupart des gens ne savent pas. Ils connaissent que les ennuis, qui sont réels d'ailleurs. Les gens ne savent pas. Et c'est vraiment important de comprendre que tant qu'on sait pas, les avis qu'on a sont pas pertinents. Donc il faut avoir un minimum de compréhension du sujet. On a un minimum intuitif de compréhension de la matière ou de l'énergie. Quand on monte une côte à vélo, il faut pédaler plus fort. Mais sur l'information, on n'a pas ce minimum. Et donc, très souvent, le déficit d'explication vient de la non-compréhension de la relation information-matière. Par exemple, quand on passe une IRM ou une radio, de manière générale, on pense que l'image sort de l'appareil. Eh ben, c'est pas vrai. Ce qui sort de l'appareil, c'est des données physiques, c'est des données très compliquées, très bruitées. Et ce sont les algorithmes qui fabriquent les images. Ce n'est pas l'appareil physique qui fabrique les images, ce sont des algorithmes, des ordinateurs. Et ça, je pense qu'on n'en a pas conscience, on ne l'enseigne pas, on ne le raconte pas assez, alors que c'est une partie majeure du monde moderne. Mmh. Je dis souvent, quand on freine dans une voiture, eh ben maintenant, avec l'ABS, qui est très ancien, hein, on freine les quatre roues indépendamment. Parce que comme ça permet pas de déraper d'une roue. C'est assez facile à faire avec l'informatique, c'est très dur à faire sans. Vous pouvez pas freiner avec quatre pédales, c'est pas possible. Et d'ailleurs, vous expliquez que dans ce livre sur lequel on reviendra, que même des professions qui aujourd'hui se sont très très largement informatisées, comme en médecine, sont encore très peu formées, très insuffisamment formées, précisément à ce que l'informatique a transformé dans leur propre rapport à leur profession. Oui, alors la médecine est particulière. Je suis beaucoup en relation avec des médecins. Il y a quelques années, on m'appelait pour parler d'algorithme avec un Y, ce que j'aimais beaucoup. Je reconnais que j'avais l'algorithme dans la peau. Ou l'algorithme cardiaque, oui. Oui, l'algorithme cardiaque. Mais les médecins s'y intéressent. Mais il faut comprendre que les médecins sont des gens extrêmement occupés. Ils ont déjà bien du mal dans leur propre discipline. Mais les médecins s'y intéressent parce qu'ils ont vu que la radiologie qui s'automatise faisait des choses extraordinaires. Ils ont vu que les opérations mini-invasives sous imagerie, ça permet de rentrer chez soi le soir au lieu de se faire couper le sternum en deux, par exemple, pour le cœur. Donc ça, c'est l'informatique qui le permet. Jointe à des tas d'autres choses, bien sûr, jointe aux appareils physiques, etc. Donc voilà, donc ce ne sont pas des choses qu'on raconte beaucoup. Ça commence et c'est une bonne chose. Parce que, en fait, les gens qui organisent l'informatique, eux, savent très bien ce qu'ils font. Pendant très longtemps, on expliquait aux Français qu'il suffisait de savoir s'en servir. Et ça ravit. Ils sont très très contents, les Américains et les Coréens qui fabriquent, et les Japonais qui fabriquent tout. Nous, on fabrique pas grand chose. Donc, faut quand même s'interroger. C'est juste devenu la première industrie du monde en richesse. C'est pas totalement un hasard non plus. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10 sur France Culture, on va donc remonter avec vous, Gérard Berry, cette histoire de l'informatique et l'histoire de cette révolution qu'on a longtemps qualifiée de révolution technique. Et vous postulez que c'est bien plus qu'une révolution technique, cette révolution informatique qui est celle de la fin de la deuxième moitié, disons, du XXe siècle. Je vous propose d'écouter pour commencer cette archive. Nous sommes en 1968 à Fall Joint Computer Conference. La personne qui s'exprime s'appelle Douglas Engelbart. Et Douglas Engelbart présente son innovation technologique. C'est un petit boîtier en bois qui permet, quelque chose d'assez formidable, de diriger un pointeur sur un écran. Je vais commencer sans vous parler du programme, mais plutôt en nous plongeant directement dans l'action. Donc dans mon bureau, j'ai une console comme celle-ci et il y a 12 autres ordinateurs et nous essayons en ce moment de faire nos tâches quotidiennes là-dessus. Voilà donc comment je pourrais m'asseoir et regarder cette page blanche. C'est de cette façon que je démarre beaucoup de projets. Donc avec mon système, c'est un bon début, je dis « je voudrais charger cela ». Donc, excusez-moi. « Donc j'introduis une entité appelée déclaration qui est elle-même pleine d'autres entités qu'on appelle des mots. Et si je fais des erreurs, je peux revenir un peu en arrière. Donc j'ai une déclaration avec des entités, des mots, et je peux faire des opérations sur ces derniers et copier un mot. On peut copier un mot à partir de lui-même. Donc je peux introduire du matériau sur ma page blanche et je me dis, tiens, ça peut être plus important que ça n'en a l'air. Donc je voudrais configurer un fichier et je dis à la machine, je télécharge vers un fichier. Et ça me dit qu'il faut un nom pour le fichier. Je vais lui donner un nom, je l'appelle simple fichier, et je lui dis, s'il te plaît, extrais-le. Et c'est ce que la machine fait. Et ensuite, ça revient automatiquement au fichier devant la page avec la déclaration en me donnant le nom du fichier, sa date, son heure et le nom de qui l'a établi. Voilà, Douglas Engelbart en 1968 à ce qui est certainement ce qu'on appellerait aujourd'hui une keynote, peut-être l'une des premières de l'histoire où il se passe exactement tout ce qui se passe dans une keynote, même on entend que ça plante, à un moment donné ça ne fonctionne pas. Une réaction, Gérard Berry, à cette archive? Ben ça c'est très important, ça illustre aussi qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de l'informatique. Au début, tout était dur. Et puis, il y a un mécanisme en informatique qui s'appelle le bootstrapping, qui consiste à dire s'élever en l'air en tirant sur les lacets de ses chaussures. Ça veut dire on commence par faire des petites choses dures qui permettent de faire plus facilement des choses plus dures, mais plus importantes. Et on monte des tours comme ça, on monte des tours. Par exemple, les langages de programmation sont maintenant ce qu'on appelle de haut niveau. Avant, ça n'existait pas. Ils ont été construits petit à petit en montant des échelles comme ça. Et toute l'informatique marche comme ça. En utilisant le fait que la machine, elle, est immuable. Elle ne fait rien. Une machine, ça fait pas grand chose. Un ordinateur, ça prend quelque chose, ça le meilleur, ça prend deux valeurs, ça les additionne. Et puis voilà. C'est à peu près tout ce que ça fait. Et ça suffit pour tout faire. Et donc ça, c'est Turing qui s'en est rendu compte le premier et d'autres, et Church. Mais c'est incroyable qu'avec ce matériau aussi basique, il y a rien dans un... conceptuellement, un ordinateur, c'est un objet facile. Bon, techniquement, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de physique aussi. Voilà. Et donc ça, et c'est cette possibilité d'utiliser l'information pour améliorer le traitement de l'information sans arrêt qui a conduit à l'informatique actuelle. On a des dispositifs incroyables. Un téléphone portable est un objet complètement sidérant. Si on avait montré ça à des gens il y a 20 ans, le premier iPhone a été conçu en France, hein, par Jean-Marie Hulot, qui est un très grand informaticien. Qui a aussi conçu la machine Next et le Macintosh, que j'ai bien connu, on a travaillé ensemble. Et voilà, donc cette histoire de pouvoir s'élever en l'air en profitant de ses propres connaissances tout le temps, avec peu d'obstacles, parce que on n'est pas limité par la compréhension de la nature. Comprendre la physique, c'est très dur. Comprendre la biologie, c'est très dur. C'est des sciences naturelles. On n'a pas choisi l'objet qu'on... Là, on choisit tout. On fabrique tout, on choisit tout. Et la physique nous a jamais trop embêtés. Elle a vraiment aidé la physique, la construction des ordinateurs super rapides, puissants, petits. C'est formidable. Mais il faut savoir qu'un ordinateur, c'est construit à base d'informatique. C'est-à-dire, un microprocesseur moderne, il y a 5 milliards de transistors. Personne ne les verra jamais. Ils ont tous été construits par des programmes informatiques. Conçu par des hommes à un bout d'un moment, et puis après, ça devient des tours de Babel, de choses qui s'enchaînent. C'est pas facile, c'est très rigolo, et c'est autre chose que ce qu'on faisait avant. C'est intéressant, cette archive, Gérard Berry, parce que 1968, c'est à peu près l'époque où vous entrez en contact avec votre premier ordinateur à Polytechnique. C'était un modèle SETI PB250. SETI PB250, c'était une machine bizarre faite en France, qui n'avait pas de mémoire électronique. C'était ce qu'on appelle des lignes à retard, c'est des fils de fer sur lesquels on donne un choc et le choc fait le tour, on l'attend de l'autre côté et tout. Et j'ai vécu ça, c'est-à-dire que c'était au début très très difficile de la démarrer. Et une fois qu'on l'avait démarré, on pouvait mettre un petit programme qui rendrait plus facile de continuer, etc. Ça m'a beaucoup fasciné. Moi, j'étais logicien au départ. On avait une autre machine IBM à lampe, hein, qui, elle, permettait de faire de la musique en grandes ondes sur toutes les longueurs d'onde. C'était trop rigolo. Et bon, on n'allait pas loin avec tout ça, mais ensuite, ça a été plus compliqué. On est devenus des théoriciens parce qu'en France, on n'a pas eu le droit d'avoir des machines. Ceux qui avaient le droit d'avoir des machines, c'était les physiciens et les mathématiciens pour la bombe, mais les informaticiens avaient accès aux machines des physiciens, mais qui étaient pas du tout adaptés à ce qu'on faisait. Donc, on a trouvé des expédients, on a fait beaucoup de théories, on est allé aux États-Unis, l'IRCAM, qui est toujours un très grand centre mondial d'informatique musicale, où le plus grand avait une machine de l'époque, parce que Boulez l'avait exigé, et on a touché nos machines réelles que dans les années, fin des années 80. Fin des années 80, c'est extrêmement tard. Alors que en 72, je travaillais au Wiley Lab à Stanford sur des machines qui étaient à l'époque totalement de pointe. Bon, ça nous a rendu très fort en théorie, c'était pas mal. Et après, on a tous foncé sur les machines qu'on a eues. C'est amusant parce qu'on recevait hier ici même le climatologue, le paléoclimatologue Jill Rammstein, qui a commencé sa carrière, la première moitié de sa carrière comme physicien. Vous êtes pas informaticien de formation? Ben, on ne pouvait pas être informaticien de formation à l'époque. Moi, j'avais fait Polytechnique et puis je suis rentré. Pierre Lafitte, qui était le directeur adjoint de l'école des mines, m'a dit, mais viens faire de la recherche en informatique aux mines, c'est un sujet d'avenir. Et moi, je pensais qu'il y en avait deux, l'informatique et la biologie. C'était les grandes époques de la biologie moléculaire, mais la biologie, je trouve ça sévère comme milieu sauvage, alors que nous, chez nous, c'était plutôt cow-boy. Et ça m'a beaucoup plu. Qu'est-ce qui vous intéresse au départ, justement, dans ces premiers contacts avec ces machines? Vous dites que ce qu'il y a quelque chose qui vous titille le cerveau, c'est que ce rapport homme-machine, hein, d'un côté avec un homme qui est très intelligent mais assez lent, et de l'autre côté une machine qui est précise, qui est très rapide mais qui est plutôt bête. Oui, c'est ça. La machine, c'est pas vraiment être intelligente, et nous ne savons pas être bête. Une des grandes difficultés. On y arrive parfois très bien. Oui, non, on n'arrive pas à être bête longtemps. Bête longtemps et obstinément. C'est-à-dire, une machine, ça fait que des choses très simples. Comme je disais, ça prend quelque chose, ça l'ajoute à autre chose, c'est tout. Et donc, il faut faire des choses très compliquées à partir de choses très simples. Ça demande une patience énorme. Surtout, il y a longtemps, ça demande une patience énorme. Et pour moi, c'était arriver à comprendre comment. Je croyais pas trop à ce qui se faisait dans les sciences artificielles de l'époque, ce qu'on racontait, qui s'est d'ailleurs pas avéré vrai, hein, c'est autre chose qui se passe maintenant. Mais par contre, je croyais au fait que l'intelligence humaine avait des problèmes très difficiles pour faire des choses bêtes, efficaces avec des ordinateurs. Et donc, il fallait apprendre de nouvelles langues, construire de nouvelles langues qui nous permettent de nous exprimer nous-mêmes et d'être traduites dans le langage absolument impossible à écrire des ordinateurs. Et donc ça a été une des grandes activités de ma vie. Hein. Il y avait deux domaines à l'époque, c'était l'algorithmique, donc inventer des algorithmes, comprendre quelles sont leurs performances, et puis ce qu'on appelait la sémantique, c'est-à-dire comment créer des langages qui permettent de programmer. Ces deux domaines existent toujours. Et alors, pourquoi le langage? Comment est-ce que vous abordez justement ces problématiques de sémantique informatique, alors même que, comme vous le disiez, on parte de la table rase, de zéro, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fonde une théorie sémantique informatique à partir de rien? Alors on part pas de zéro parce qu'il y a les logiciens qui étaient là avant nous et les mathématiciens. Et on s'est aperçu que des questions fondamentales de logique avaient été posées pour la justification des mathématiques. On ne sait toujours pas si les mathématiques sont cohérentes ou pas, on ne sait pas formaliser les mathématiques, les langages mathématiques sont pas très précis, sont suffisamment précis pour les mathématiciens qui ont autre chose à faire que de se comporter comme des ordinateurs. Mais moi, ça m'intéressait de comprendre si on pouvait faire des mathématiques précisément. Maintenant, on peut, avec le travail fantastique qui a été fait à l'INRIA par Gérard Huette et des tas d'autres gens, où on peut démontrer de très grands théorèmes mathématiques en machine. C'était une question posée. Est-ce qu'on peut traiter des formalismes de façon humainement abordable? Gödel avait dit, la notion de démonstration mathématique, c'est simple, c'est une suite de phrases dont chacune se déduit des précédentes. Mais personne n'est capable d'écrire ni de lire ces choses-là. Un ordinateur, si. Un ordinateur est complètement capable de les lire. Et maintenant, on sait comment lui faire écrire avec des interfaces homme-machine très sophistiquées. Ça m'excitait beaucoup. Puis en plus, je voulais comprendre comment programmer, non pas l'informatique pour l'informatique, ce dont on parle toujours beaucoup, mais les objets. Les objets, les avions, les voitures, c'est pour ça qu'on a développé tout un tas de nouvelles théories et pratiques en 1982 qui ont fini dans l'industrie, qui sont maintenant leaders dans l'industrie, qui étaient complètement nouvelles. Vous dites, et je trouve ça intéressant, qu'à cette époque, on va reparler de d'Esterel, hein, qui est le langage que vous avez contribué à développer, auquel vous venez de faire référence. Mais avant cela, vous dites, et je trouve ça assez intéressant, à l'époque, l'informatique se heurte à deux temporalités différentes, difficiles à réconcilier, le temps physique des actions décrites par le programme et la vitesse de calcul de l'ordinateur. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, ces ordinateurs-là, ils ont une vitesse de calcul extrêmement lente par rapport à celle qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, on va pas, la loi de Moore, on sait que voilà, la puissance de calcul est quand même très très réduite par rapport à celle qu'elle est aujourd'hui. Oui, mais pas si lente que ça. C'est-à-dire que c'était pas. Il y avait deux problèmes. D'abord, les ordinateurs allaient quand même assez vite. Hein. L'Airbus A320, ça a été fait avec des Motorola 68000 des années 80, qui calculaient à 10 millions d'interruptions par seconde. Maintenant, on calcule à 5 milliards. Bon, ça va plus vite, mais ça suffisait. Le problème n'était pas là. Le problème, c'était l'interférence entre ces deux temps. On veut, par exemple, piloter un avion. L'avion, il faut lui donner des ordres physiques, hein, au moteur. Il faut leur donner des ordres tous les centièmes de seconde. Mais il faut leur donner des ordres bons. Et donc, le calcul, s'il va plus vite qu'un centième de seconde, bah, ça sert à rien d'aller plus vite. C'est pour ça que c'est pas forcément utile d'aller vite. S'il va plus lentement, c'est pas bon. Et donc, tout le monde était tout à fait embarqué dans l'essai de comprendre ce mélange des deux temps. Et nous, ce qu'on a fait, c'est on a viré la question. On a dit, ben, le plus simple, ce serait de se dire qu'on a un ordinateur infiniment rapide. Voyons voir ce qu'on ferait si on avait un ordinateur infiniment rapide. Et ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite que si on n'avait pas fait cette hypothèse, qui était très contestée à l'époque, mais qui maintenant est standard. Ce qui va vous conduire à développer ce fameux langage, le langage STRL. Comment est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette histoire, puisque ça a connu un succès, on l'a dit, hein. Ça a servi pour la 320, pour les Rafales. C'est un langage informatique qui a servi vraiment justement à mettre un peu à niveau différentes parties, différentes composantes qui normalement ne dialoguent pas au même rythme. Absolument. Ça, c'est en fait, il y a plusieurs langages. Airbus, on a un autre qui s'appelle Lustre, mais on est très copains. Puis il y en avait un autre en France, on a beaucoup travaillé ensemble. On était un peu concurrents, mais on a beaucoup travaillé ensemble et avec les mêmes idées. Donc les idées, c'était de simplifier le problème pour permettre de faire des mathématiques qu'on pouvait pas faire quand on simplifiait pas le problème. Et ça nous permettait de faire des calculs qui permettaient d'optimiser, d'abord de mieux comprendre, de mieux écrire, de comprendre totalement clairement ce qu'on écrivait, alors que les classique, ça ne le permettait pas, de vérifier maintenant en machine. Par exemple, maintenant, vérifier qu'un ascenseur ne peut pas voyager la porte ouverte à cause du logiciel, ça prend quelques secondes. Il y a des trucs qui peuvent être plus durs, mais on a fait beaucoup de vérifications sur les avions, par exemple sur le Rafale, avec Dassault, où il y avait des gens formidables. Et donc, l'idée, c'était de dire, les langages de programmation normaux ne parlent jamais du temps. Il n'y a jamais aucune instruction qui parle du temps. Et donc, faut parler du temps, mais pas seulement des secondes. Par exemple, quand on court, il y a trois phrases qui sont équivalentes, c'est courir 10 mètres, courir 10 pas ou courir 10 secondes. Les mètres, c'est du temps qui passe, pas régulièrement, les pas, c'est pareil, et les secondes, pareil. Donc, on s'est dit, faut qu'on homogénise complètement le temps. Le temps physique n'a rien de plus particulier que les autres, et on va faire des choses qui travaillent avec le temps. Et on s'est aperçu après que ça s'appliquait partout. Par exemple, une des grandes applications à l'heure actuelle, c'est la musique. Une autre application qu'on est en train de travailler, c'est les protocoles médicaux. On a fait, bien sûr, des systèmes embarqués, mais la musique, c'était moins évident. Pourtant, si on réfléchit, la musique, il y a beaucoup de temps. Mm-hmm. Il y a le temps des notes, mais il y a aussi le temps variable du jeu, de l'interprétation. Il y a le temps des répétitions, il y a le temps des phrases, il y a le temps des mouvements, etc. Et donc, des variantes d'STRL servent à écrire ça maintenant. Et c'est très rigolo. La musique, c'est quand même une grande classe. Hein. On reparlera de la musique tout à l'heure, et pas seulement de l'IRCAM et de Pierre Boulez, mais justement de l'utilisation aujourd'hui de l'informatique dans la composition musicale. Pour revenir à STRL, j'aimerais que vous nous expliquiez exactement ce que vous venez de faire, mais comment se sont développés ce qu'on appelle ces langages réactifs synchrones, c'est-à-dire la nécessité de distribuer, de faire parler ensemble des éléments qui ne dialoguent pas ni dans le même langage, ni à la même vitesse. Alors il y a deux domaines où il faut faire dialoguer ensemble des éléments différents. Et ces deux domaines sont très différents. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'asynchrone, c'est Internet. Quand j'envoie un message, je ne sais pas quand il arrive ni s'il arrive. Internet, ça existe, hein, c'est sérieux, donc c'est des problèmes. Internet, vraiment, ça existe, vraiment, je vous le confirme. Vraiment sérieux, mais vous ne savez pas. Il y a rien qui garantit qu'un mail va arriver. Par contre, quand vous êtes dans votre voiture, vous allez faire dialoguer votre pédale et vos freins, ou vous allez faire dialoguer votre moteur et votre direction, ou des choses comme ça. Et là, c'est au rythme de la physique, c'est pas au rythme de la chance, c'est au rythme de la physique. Donc c'est ça qu'on a fait. Et on a dit, il y a trois formes de communication possibles. Une asynchrone, on envoie un message, il arrive quand il veut. Une qu'on appelle synchrone, on envoie un message et on fait comme s'il arrivait en temps zéro. Et ça, Newton avait déjà fait ça avec la gravité quelque part. Et une vibratoire, on envoie un message et il arrive à une vitesse connue. C'est comme ça qu'on fait le GPS, en mesurant la vitesse de la lumière. Et c'est en étudiant les interactions entre ces trois choses qui sont pas uniquement de l'informatique, c'est aussi de la physique, ça. Et en comprenant comment programmer des ordinateurs qui calculent infiniment vite en communiquant en temps zéro, ce qui paraissait une idée idiote, qu'on a réussi à faire des calculateurs qui calculent très vite et surtout toujours pareil. C'est ça qui compte. C'est toujours pareil. Sur Internet, rien n'est toujours pareil. Vos vidéos se plantent, etc. Il faut pas dans un avion que ça se plante ou dans une voiture. Donc c'est ça que nos théories ont permis de faire et nos pratiques, parce qu'on l'a immédiatement mis en pratique. Alors justement à propos de ce qu'on appelle la distribution diffuse de langage informatique, quelqu'un a une question à vous poser. C'est notre inévitable et pourtant tout à fait dispensable question mystère. Bonjour Gérard. Donc, comme tu le sais, dans les années 90, on a vu la mise en réseau des ordinateurs. Et ça a permis des applications fantastiques et très intéressantes, notamment toutes les web et les applications web. Et ça a aussi posé de grands défis en termes de programmation parce que les programmes qui avant tournaient de façon isolée sur des machines séparées se sont mis tous à communiquer les uns avec les autres et donc on est rentré complètement dans l'ère de l'informatique distribuée qui est une informatique difficile. Alors le web est aussi venu avec son lot de spécificités et notamment l'asymétrie entre ce qui se passe sur les grosses machines que sont les serveurs et ce qui se passe sur les machines des utilisateurs. Et donc ça a rendu la mise en équation en quelque sorte de nos programmes encore plus difficile à faire. Et donc nous avons contribué à ce domaine avec ce qu'on a appelé la programmation multitiers. Donc une fois qu'on a fait ça, et ça a été disons au début des années 2000 qu'on a travaillé sur ce sujet, on s'est intéressé à l'étape suivante de ces programmes communicants qui est leur communication asynchrone. Comment parler des événements, comment est-ce qu'on pouvait parler de la temporalité de l'exécution des programmes, tout ça c'est des choses qu'on savait absolument pas faire et donc notre idée ça a été de prendre le langage donc, que tu as développé pendant des années avec tes collègues, donc le langage STL, et de l'adapter au monde du web pour en faire ce que maintenant on appelle hip-hop, qui est une sorte de version plus dynamique d'STL, plus dynamique. Et donc, avec ce langage hip-hop, qui est encore un langage très jeune et à ses premiers balbutiements, on commence à pouvoir écrire des applications web. Donc, une fois que nous aurons obtenu ce langage hip-hop, à ton avis, quelles seront encore les grandes étapes qui nous restera à franchir pour aller vers un web où on pourra encore plus facilement montrer des propriétés sur les programmes, et notamment pour aller vers plus de sûreté et de sécurité, ce qui aura bien entendu des applications très importantes si on y arrive sur l'Internet des objets où là la communication est encore plus fréquente que dans les applications web. Gérard Berry, vous avez reconnu Manuel Serrano. Évidemment, qui est Chercheur INREA, directeur de recherche à l'INREA Sophie Antipolis et avec qui je travaille depuis un certain temps, oui. Alors, question. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes. Oui. Donc, le web, Internet, ça a permis de faire ce qu'on appelle des systèmes distribués. Ça ne se passe plus sur une machine, ça se passe sur beaucoup de machines, dont plein tombent en panne. Les communications se coupent, elles changent de timing, etc. Tout le monde le sait. Alors, quand on fait des choses simples, le web, c'est simple, mais quand on essaie de faire des choses compliquées, ça l'est beaucoup moins. Et en plus, les ordinateurs locaux vont faire des choses complètement différentes chez les serveurs et ici. Alors, d'ailleurs, à ce propos, il y a cette année au Collège de France, sur la chaire annuelle INRIA Informatique et Sciences Numériques, Rachid Garaoui, qui est un des très grands spécialistes, professeur à l'EPFL, qui est un des très grands spécialistes des systèmes distribués, qui va en parler. Les algorithmes distribués sont très différents des algorithmes séquentiels. Ils peuvent être horriblement simples à écrire et horriblement difficiles à comprendre et faux. Il y en a un qui est très célèbre, c'est quand même TCP, Transfer Control Protocol, celui qui permet de recevoir les pages web sur Internet, par exemple, et t'as d'autres choses, et la musique. La musique, on fait pas forcément comme ça. Donc ce sont des algorithmes très très délicats, beaucoup plus petits souvent que ce qu'on fait sur une seule machine, mais très délicats. Et alors, il se trouve que sur le synchrone, ce sont des algorithmes qui sont plus simples. Parce que tout le monde avance au même pas. On travaille en parallèle, on travaille en distribué, mais il y a des pas communs. Tout le monde a la même notion de temps. Tout le monde partage le temps, alors que sur asynchrone, personne partage le temps. Donc, asynchrone, ça limite énormément des choses. On n'a aucune garantie de quoi que ce soit. C'est pour ça, par exemple, que la téléconférence, ça marche pas très bien, sauf si la ligne est hyper rapide, et pas toujours. En synchrone, faut qu'on ait la garantie de tout. Et donc, notre problème maintenant, c'est effectivement, par exemple, dans l'Internet des objets, on va avoir nos interfaces asynchrones pour commander des objets, par exemple, s'il y a un jour des voitures autonomes, on pourra les siffler avec notre téléphone, on pourra leur dire « viens me chercher là ». Et là, il y a tout ce mélange qui va se passer entre ces deux domaines qui sont en fait très très différents. Et là, il y a beaucoup de questions. Il va être très facile de faire des choses fausses. C'est déjà vrai en asynchrone. C'est-à-dire ? Des choses dont on croit qu'elles marchent et qui en fait plantent, ont des bugs. En asynchrone, on a un truc très simple, hein, dès qu'on est deux, c'est chacun veut deux objets et chacun en a un des deux et aucun des deux ne veut lâcher le sien. Ça s'appelle un deadlock, une étreinte fatale, donc le système est bloqué. Et ça, ça arrive dans les systèmes. Et de temps en temps, vous voyez votre ordinateur, il ne fait plus rien. C'est ça qu'il y a dedans. C'est dû au système distribué, ça, ou parallèle. Donc, on n'a pas les théories mathématiques qu'il faut. Par exemple, pour la programmation classique, il y a la théorie mathématique qui s'appelle le lambda calcul de Church, que j'ai beaucoup étudié, non pas le lambda, comme m'avait dit ma libraire en me disant que mon bouquin sur le lambda calcul était arrivé. Le lambda calcul de Church, qui était un équivalent très différent de la machine de Turing, 1936, ça reste le prototype des langages modernes. JavaScript, c'est très proche du lambda calcul. Malheureusement, c'est pas tout à fait proche. Mais bon, on n'a pas ces modèles dans le distribué. On les a en synchrone. On les a, là, on a développé toute la théorie du synchrone en France et puis maintenant pas mal à l'étranger. On comprend tout dessus, on peut faire de la vérification formelle, c'est-à-dire des programmes qui vérifient les autres programmes. On a beaucoup de théories partielles, on a synchrone, mais le problème est dur. C'est pas que les gens sont bêtes, hein. C'est juste que le problème est vraiment sévère. Et qu'il y a beaucoup de débutants qui essayent de faire des trucs et s'aperçoivent après qu'ils marchent pas, alors que c'est quand même mieux de le savoir avant des fois. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a beaucoup de messages sur les téléphones et les applications. À chaque fois qu'on télécharge, une nouvelle version, ça dit correction de bugs et amélioration de la stabilité. Ça veut juste dire que ça marche pas, hein, ou ça marche pas encore. Bon, on peut pas tolérer ça dans tous les domaines. Je veux dire, en médecine, si on est en train d'opérer avec un robot chirurgien, on va pas s'amuser à dire, tiens, recharge là pendant l'opération parce qu'on a trouvé un bug. Ni dans un avion, ni dans une centrale nucléaire qui sont Donc, stériles, sert notamment à ces types d'applications. Et la dominance d'Internet et du web a fait que les gens sont incroyablement tolérants sur la mauvaise qualité. Ils ne seraient pas sur des appareils physiques. Bon, mais ça va changer. Il faut bosser. Il faut éduquer. C'est intéressant que ce langage qui est en cours de développement, dont parlait Manuel Serrano, s'appelle le hip-hop, puisque évidemment la musique, vous l'avez mentionné tout à l'heure, Gérard Béry, a un grand rôle et les liens sont consubstantiels entre l'informatique et la musique. Écoutez. Computer World de Kraftwerk, nous sommes en 1981, ce sont les premières tentatives d'utiliser précisément l'informatique, les instruments non plus analogiques mais numériques pour faire de la musique. Nous en parlons et nous parlons justement de l'informatique et de l'hyperpuissance de l'informatique tout au long de cette heure avec Gérard Béry qui est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire algorithmes, machines et langages et auteur de l'hyperpuissance de l'informatique chez Odile Jacob. Alors on parlait de Boulez, on parlait de l'IRCAM en 77, c'est ça, hein, les ordinateurs installés à l'IRCAM par Boulez pour programmer de la musique, Gérard Béry. Le PDP-10 qui était la machine de référence de l'époque, installé par intervention directe auprès du président de la République parce que ça violait le plan calcul. Et effectivement, ça a continué très longtemps après. Et d'abord, il y avait beaucoup d'expérimentations. C'était pas facile de produire des sons. Enfin, ça va vite, la musique, quand même. Et maintenant, on est dans une période assez différente. Parce qu'on sait absolument tout faire. C'est-à-dire qu'un ordinateur peut fabriquer absolument n'importe un programme d'ordinateur peut fabriquer absolument n'importe quelle suite de sons et n'importe quel son. Donc pour les musiciens, c'est très compliqué, il n'y a plus d'instruments. Donc il faut trouver... Dans le langage devient infini, et là on ne sait pas faire, nous on n'a pas du tout la compétence, on peut tout faire, donc on sait rien faire. Les instruments avaient un avantage, c'est qu'ils donnaient un cadre de travail. Donc il y a tout un tas de choses qui se font sur la compréhension de distorsion d'anciens instruments, sur la fabrication de nouveaux instruments, nouveaux de paradigmes de musique, de composition, de, par exemple, Philippe Manoury, que j'avais invité à France Culture il y a 2-3 ans, utilise beaucoup les chaînes de Markov, qui sont des automates stochastiques, probabilistes, pour fabriquer des musiques qui sont très intéressantes, mais faut se méfier, parce que ça peut devenir extrêmement banal au bout d'un moment. Donc, l'ordinateur ne va pas fabriquer la créativité, jamais, jamais. C'est un serviteur extraordinaire. Il n'est pas encore au niveau des musiciens, parce que les musiciens sont exceptionnels. C'est intéressant parce que c'est ce lien consubstantiel entre la musique et l'informatique, il remonte aux origines de l'informatique. Ça a même commencé comme ça, écoutez. Cette voix mélodieuse, Gérard Berry, celle de l'IBM 7094. On est en 1961, et c'est le premier ordinateur chanteur. Oui, ça prouve que les gens étaient très gonflés intellectuellement à l'époque. Ils essayaient tout. Je pense que l'époque actuelle, ça rappelle la physique, parce que en 1905, il y a eu les grands papiers de physique d'Einstein et tout, il y a eu la mécanique quantique qui est arrivée, il y a eu un énorme bouleversement, et les gens avaient une imagination extraordinaire, ils étaient dans un âge d'or de la science. C'est exactement ce qu'on a vécu en informatique. Vraiment la même chose. Alors c'est moins connu parce que ça fait pas la une des journaux pareil, mais et surtout beaucoup de scientifiques s'y sont pas intéressés. Alors que la physique, ça a tout, quand même été toujours la reine des sciences au niveau budget, au niveau tout ce qu'on veut. Et puis il y a l'astronomie à laquelle tout le monde s'intéresse. Nous, l'informatique, la science, il y a encore des gens qui me demandent en 2018 si l'informatique est une science. Bon, je ne sais pas d'où vient la question. Le paradigme collectif à la doxa a un peu changé tout de même, Gérard Berry. Récemment, oui, ça change. Mais ça change pas encore dans le contenu. C'est-à-dire que les gens ont plus l'avis que c'est une science, mais ça leur donne pas encore l'idée d'aller y voir. Mais tout le monde est très occupé, il faut voir. Donc, ça change, oui, ça change bien entendu. Ça va changer dans l'enseignement, j'espère. Alors, on va parler justement de l'enseignement et de ce que l'informatique, est-ce que ce développement, ce bouleversement informatique a fait à notre société. C'est ce dont vous parlez dans ce livre que vous avez publié chez Odile Jacob, L'hyperpuissance de l'informatique, et grâce auquel ce livre, vous me l'avez écrit dans la petite dédicace que vous m'avez envoyée. J'aime beaucoup cette phrase. Vous souhaitez remplacer les opinions plus ou moins fondées qui traînent sur la transformation du monde par l'informatique par une vraie compréhension de ses tenants et de ses aboutissants. Ben oui, comme l'informatique c'est pas intuitif, les gens qui ont envie d'avoir des envies rapides sans chercher à comprendre le sujet vont toujours être en retard d'un métro ou prendre le métro perpendiculaire à ce qu'ils devaient prendre. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que les raisonnements que fait l'informatique ne sont pas les mêmes que les raisonnements que font le reste du monde. Un bon exemple de le voir, c'est dans la photo numérique. La photo numérique fait des choses qui sont complètement impossibles avec de la photo physique. Par exemple, de faire des très bonnes photos avec le capteur minuscule d'un téléphone. C'est juste impossible. Pourtant, c'est ce que vous expliquez. Vrai. Il y a tout un chapitre là-dessus avec des photos. Vous montrez les différents filtres. J'ai écrit ce chapitre parce que je suis photographe d'une part, mais d'autre part parce que c'est un des meilleurs exemples de modification complète du schéma de pensée pour faire la même chose. Les photos, à la fin, c'est les mêmes. Presque, mais le schéma de pensée, il est plus du tout pareil. C'est-à-dire que le centre d'un appareil photo numérique, ce sont les algorithmes, c'est pas la physique. La physique est évidemment très importante. Si la physique est pourrie, la photo sera pourrie. On peut pas faire mieux. Mais les algorithmes permettent, si on peut faire mieux, en fait. Maintenant, avec les algorithmes d'apprentissage, on peut faire mieux que ce qu'il y a dans l'appareil. Parce qu'on fait avec ce qu'il y a dans la société. Ça, c'est aussi un autre problème. Donc, ces choses-là, on peut pas... Alors, les gens, vite dessus, ils disent, c'est moins bon que l'argentique ou c'est mieux que l'argentique. Bon, ça a aucun sens, cette phrase. Si on définit pas les critères. Ça n'a pas de sens. Par exemple, on dit sur Internet, voilà, le web, on n'explique pas aux gens comment ça marche, mais on leur dit pour vous protéger des attaques, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais ça, c'est des recettes. Mais d'abord, il y a la moitié de ces recettes qui sont même pas vraies. Et ensuite, ben, faut comprendre qu'est-ce que c'est un peu que ces recettes. Pour d'abord parce que c'est très intéressant. Et puis pour ceux que ça intéresse, mais pour les enfants, c'est naturellement intéressant. Et parce que je pense pas qu'il y ait autant de sujets que ça où les gens ont autant d'avis en sachant si peu. Alors, pour prendre une analogie que je vous soumets, Gérard Berry, et pourquoi vous paraît-il aussi important, aussi nécessaire de comprendre que les citoyens, que chacun soit à même de s'emparer de la mécanique de l'informatique, c'est-à-dire de ce qu'il y a sous le capot, plus qu'il est important de comprendre ce qu'il y a sous le capot d'une voiture au moment du développement de la mécanique analogique? Ben parce que ce qu'il y a sous le capot d'une voiture est relativement standard. Ce qu'il y a sous le capot de deux voitures, c'est un peu pareil. Ce qu'il y a sous le capot de deux applications informatiques, ça peut être fondamentalement différent. D'une part. D'autre part, parce qu'on dépend beaucoup plus de l'informatique que des voitures. Et si vous regardez le boulot d'un scientifique ou d'un employé, etc., il passe sa vie sur un ordinateur. Hein, les astronomes passent leur vie à faire des programmes très sophistiqués d'ordinateurs avec des capteurs physiques très sophistiqués aussi. Et les astronomes butent sur le fait qu'ils n'ont pas assez d'informaticiens. Qu'ils soient des chercheurs. Avant, on disait, on va embaucher un informaticien, ça va être un ingénieur. Ben non. On change de forme de pensée, on change de façon de faire. Donc, c'est pas un boulot clérical, c'est un boulot fondamental. Faire un appareil photo numérique, ou une voiture autonome, c'est totalement différent de faire une voiture construite par un homme. 100% différent. Or, c'est ça qui va se passer dans le futur. Moi, je pense que l'enseignement, il est fait pour enseigner le passé en cours d'histoire. Mais pas en cours de futur. Et donc, le futur va être très largement informatisé. On n'a rien vu. Des gens ne savent pas. Plus qu'aujourd'hui ? Hein ? Plus qu'aujourd'hui encore ? Bien sûr. Pour l'instant, on ne fabrique que 80 milliards de microprocesseurs par an, dont plus de 50 milliards sont dans, non, beaucoup plus que ça, sont dans les objets de tous les jours. Il n'y a pas grand-chose qui n'est pas informatisé. Heureusement, il en reste. Heureusement, il y a des choses qui ne nous gagnent pas à être informatisées. Le livre est resté très intéressant, par exemple. Bon, la tablette a été informatisée. La radio a changé avec le podcast. Mmh, le podcast sans informatique, on ne sait pas faire ça. Donc voilà. Donc tout se révolutionne pour des raisons qui sont profondes. Il ne s'agit pas d'expliquer les détails. Tout le monde dit qu'il faut apprendre à coder, coder, coder, coder. Bah oui, mais enfin ça, d'abord coder, c'est un anglicisme alors qu'on les refuse tous les autres. C'est assez rigolo. Faut apprendre à programmer. Ouais, faut apprendre à programmer. Oui, certes, mais l'informatique, c'est pas que ça. C'est une façon de penser. Prendre des algorithmes pour traiter les problèmes. Alors justement sur cette façon de penser, c'est la théorie qui sous-tend tout ce livre L'hyperpuissance de l'informatique. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu ça, Gérard Berry, parce que ce que j'ai compris en tout cas à ce livre et ce que je trouve assez passionnant comme idée, c'est de dire que finalement vous parliez tout à l'heure de théorie de l'information, c'est-à-dire que c'est la nature même de l'information qu'on n'a pas vraiment intégrée et qui a été radicalement transformée par la façon dont on la stocke. Dont on la stocke et dont on la calcule avec. Et voilà. Ah ben un très bon dont exemple. Dont on la transforme. Je pense un très bon exemple, c'est l'évolution des taxis. Hein, l'évolution des taxis, un taxi considérait que l'important dans un taxi, c'est d'avoir une voiture. Après, les taxis sont organisés en centre d'appel, avec généralement une dame ou un monsieur qui est extraordinaire, j'ai toujours été fasciné par ça, qui parle à toute allure à plein de taxis et tout. C'est pas très efficace pour tout dire. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, les gens qui ont fait Uber, les autres, et maintenant G7, etc., qui font la même chose, ont dit non, l'important dans cette histoire, c'est l'information. C'est qui veut aller où, quand. Et on va organiser le reste en fonction de ça. Alors qu'avant, on organisait l'information en fonction de la voiture, maintenant on organise la voiture en fonction de l'information. Donc ça, c'est un changement complet. Ça veut dire que le plus important dans une organisation de taxi, c'est le site web. C'est pas facile à faire, un site web. Et le GPS, évidemment, qu'on n'avait pas avant. Hein. Donc, le GPS, c'est de l'information, hein, pure. Vous êtes là. Mais ce qui est intéressant, c'est que je disais au tout début dans la présentation de cette émission que cette révolution de l'informatique ou de l'information avait changé notre rapport au faire, au dire, au comprendre. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de penser que l'information, c'est-à-dire la voix, l'image, vraiment la nature même de ce qui nous est transmis comme signifié au sens le plus large de la sémantique, a été complètement radicalement transformée par la façon de le compiler, de le transformer, d'en tirer une autre essence, de l'interpréter en fait. Absolument. Par exemple, on voit de plus en plus les gens n'importe où appeler Wikipédia pour savoir quelque chose. Bon, ça, c'était complètement impossible. Au début, ça énervait tout le monde, ça. Puis maintenant, il y a beaucoup moins de gens qui le font pas. Parce que ça marche. Parce que ça marche. Avant, on pouvait juste pas faire ça. Je veux dire, le moteur de recherche, c'est une chose qui ne peut pas exister sur les objets physiques. Hein, on veut savoir, on tape une question mal foutue et on a un ensemble de réponses pas mal foutues au bout d'un temps négligeable sur 50 milliards de pages scannées. C'est pas du tout anodin. C'est pas anodin à tel point que plus personne ne se rappelle comment on faisait avant le moteur de recherche. Le moteur de recherche, ça a été inventé par, le premier a été créé, l'invention c'est plus compliqué. Le premier a été créé par trois personnes, dont deux français, chez Digital Equipment, à Tavista. Puis après, perfectionné de façon absolument majeure chez Google par les deux fondateurs de Google. Et cette chose-là, personne n'y avait pensé avant. 2 ans après que ce soit arrivé, c'était devenu un des grands centres du monde. Ça, c'est l'information. On n'a jamais eu d'objet physique faisant ça. Jamais. Parce que la physique, c'est plus dur. Il y a eu des index, mais c'est plus compliqué. Ben, c'est plus dur parce que c'est la nature. Là, c'est tout ça, c'est une invention humaine. Je veux dire, la nature, il n'y a pas pour grand chose là-dedans. Si, il y a les semi-conducteurs et tout ça. Mais c'est une invention humaine. Donc, je pense que ça, c'est une chose qui déroute les gens. C'est que ça aille aussi vite. Bon, et en physique, il y a des choses qui ont été vite. Mais ça va aussi vite parce que le frein de tout ça, c'est notre inventivité. Plus que le reste. Les réseaux sociaux, c'est arrivé en 3 secondes. Et le fait qu'il fallait s'en méfier, au début, tout le monde trouvait ça génial, démocratique et tout. Je disais, attendez, quand vous avez un objet très puissant qui arrive, insérez-vous tout de suite à ces effets pervers. Hein, donc on voit maintenant que c'est pas du tout évident ce truc-là. Mais pourquoi ça pénètre ? Ben parce qu'il y a rien à faire pour y aller. Il y a rien à faire, il suffit de s'inscrire, pouf, d'accord ? Mais ça n'existe pas ailleurs. Et on va consacrer d'ailleurs dans une quinzaine de jours une émission précisément à Wikipédia et à cette façon, cette externalisation de notre mémoire, de notre culture. Des collaborations. Des collaborations, oui, tout à fait. Un mot, et puis on va parler dans un instant de sécurité, de sûreté informatique qui est un des chapitres aussi de votre livre. J'aime bien cette citation que j'aimerais que vous expliquiez aux auditeurs parce que je trouve que ça dit vraiment la façon dont dont nos modes de pensée, nos mécaniques de pensée ont été transformés. Vous dites, Gérard Berry, certains exemples exhiberont même ce que j'appelle des inversions mentales. Oui. C'est-à-dire placer la pensée algorithmique avant la pensée physique, conduite à penser et à agir à l'envers de ce qu'on faisait avant. Qu'est-ce que oui, ça signifie? Tout à fait. Les inversions mentales se voient bien chez les enfants. Par exemple, un enfant qui voit un téléphone fixe ne comprend pas. Un jeune enfant qui voit un téléphone avec un fil, il comprend pas ce que c'est. Le petit-fils d'un ami a demandé à son grand-père pourquoi t'as mis un antivol. Parce que pour lui, ça a toujours été comme ça, le téléphone. L'inversion, c'est par rapport aux générations d'avant. Hein. Oui, bien sûr, mais de même que quand on voyait un gramophone, on pouvait se demander ce que c'était il y a 30 ans ou 40 ans. Oui, sauf que ça se faisait pour des objets isolés. Maintenant, ça se fait à une échelle absolument gigantesque. Donc, les inversions, c'est par exemple Internet, le mail, le courrier électronique, tout le monde s'aperçoit qu'on n'était pas saturé de courrier papier parce qu'on n'avait juste pas le temps d'être saturé de courrier papier, puis parce que ça n'arrivait pas, le courrier électronique ça fonctionne. Donc c'est une inversion, ça change complètement les rapports au temps, les rapports à la discussion, les rapports à l'information. On peut travailler à distance, c'était très très difficile. Ça met à l'envers des structures d'entreprise. Ça met à l'envers des pans entiers de l'économie et des pans entiers de la culture aussi. Je veux dire, le podcast, ça modifie la radio de façon totalement massive. C'est pas moi qui vous dirai l'inverse. Venons-en justement à ces questions de sécurité et de sûreté qui sont deux choses bien distinctes. C'est la troisième partie de votre livre, L'hyperpuissance de l'informatique, Gérard Berry. Cette hyperpuissance, cette hyperprésence de l'informatique dans nos vies a paradoxalement généré cette espèce d'obsession de la sécurité. Alors c'est pas paradoxal, c'est toutes les choses puissantes génèrent une obsession de la sécurité, la physique avait ça très bien aussi. Hein. C'est pas paradoxal, c'est beaucoup plus vrai que ce que les gens pensent. C'est-à-dire que, j'ai l'impression qu'on cultive le discours comme quoi l'informatique c'est facile, il n'y a qu'à s'y mettre. Ça, c'est totalement faux. Il est extraordinairement facile de faire quelque chose de faux. Il est beaucoup plus dur de faire quelque chose de juste. Et des fois, faire quelque chose de faux, c'est pas très grave. La moitié des sites qui se plantent, c'est pas grave. Mais, par exemple, dans les objets, alors là, c'est sérieux. Un avion, une voiture, faut pas que ce soit faux. Dans les avions, c'est très très contrôlé. C'est-à-dire le coût de fabrication des programmes est gigantesquement plus grand. Dans les voitures, c'est très peu contrôlé, parce que les avions, ça fait la une des journaux, les voitures pas, quand il y a un problème. Il y a eu des gros problèmes dans les voitures. Et la sûreté, donc c'est le manque, l'absence de bugs, le fait que les choses marchent comme elles doivent, et déjà qu'on comprenne comme elles marchent. Ou alors il y a la divergence aussi qui est un peu pareil. J'ai fait pour un copain la vente d'une carte grise. C'est absolument aberrant ce qui a été fait. C'est hallucinant. C'est-à-dire la vente d'une voiture pour enregistrer la vente d'une voiture sur Internet. Je ne sais pas qui a inventé ce système, mais c'est de la folie quoi. Et c'est incroyablement. Incroyablement compliqué pour pas grand chose. Et voilà. Donc, il y a des systèmes compliqués. Donc, la sécurité, la sûreté, c'est dur. Il faut la prendre au sérieux. Il faut obliger les industriels à la prendre au sérieux. Dans les voitures, il n'y a pas de contraintes à l'heure actuelle. Très peu de contraintes. Dans le ferroviaire, il y en a. Voilà. Et quand on est en voiture, on a des dizaines d'ordinateurs dans sa voiture et il faut s'assurer que ça fonctionne bien. La sécurité, c'est un autre problème. La sécurité, c'est est-ce qu'on peut se faire attaquer? Alors, on parle beaucoup des données personnelles. Alors ça, bon, on en parle beaucoup, donc j'en parlerai moins, bien sûr, mais ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est les systèmes. Par exemple, les réseaux électriques. Le réseau électrique ukrainien a été cassé il y a pas très longtemps. On sait pas par qui, mais bon, il y a des hypothèses. Mm-hmm. Il a été cassé grandement. Et on sait, par exemple, il y a un papier qui est sorti récemment, que comme on peut prendre les objets protégés sont connectés. Informatisés sont absolument pas protégés, en gros. L'internet des objets, on avait fait une émission là aussi. Ouais, effectivement, la moitié des failles de sécurité admin. Okay. Voilà. Et ben, il y a quelqu'un qui vient de faire un papier très intéressant et il montre qu'en prenant le pouvoir sur les climatiseurs à distance, et en les allumant tous d'un coup, on peut faire sauter un réseau électrique. Faire sauter un réseau électrique, c'est massif. Je veux dire, c'est pas un vol de données, c'est la taille au-dessus. Des gens ont montré qu'on pouvait prendre le contrôle complet d'une voiture à distance relativement facilement. Les voitures les plus haut de gamme sont les plus faciles à ouvrir. Parce que des ouvrants complètement informatisés, bon, ça résiste très peu par rapport à la mécanique. Donc, ce problème de la sécurité... Alors, il est intéressant parce que les chercheurs s'en sont emparés en grand. C'est plutôt les chercheurs qui font des attaques maintenant. Et on en trouve partout. Ce ne sont pas que les chercheurs qui font des attaques. Comme vous allez l'entendre, nous avons contacté justement quelqu'un dont c'est le métier. Il s'appelle Yacine Aboukir. Lui et ses collègues passent leur temps à tester la sécurité des sites et des applications. Et eh bien, une fois qu'ils ont trouvé les failles, à revendre en tout cas leurs découvertes aux entreprises qu'ils ont tenté d'attaquer. Écoutez. Pour quelles entreprises, si c'est pas confidentiel, vous avez pu mettre en lumière des failles de sécurité? Pour les entreprises, je dirais dans mon portfolio, j'ai Facebook, Yahoo, Twitter, LinkedIn, presque toutes les grandes entreprises américaines. Personnellement, je suis spécialisé dans la sécurité des applications de web et c'est le mobile. Du coup, je me concentre majoritairement sur ces deux-là. Et pour devoir déceler ces failles de sécurité, il faudra tout d'abord bien comprendre la logique et le fonctionnement de l'application. Par la suite, c'est d'analyser comment l'application communique avec le serveur. La prochaine étape serait de tester toutes les fonctionnalités de l'application contre les différents types de vulnérabilités existants. Bien sûr que le processus est un peu long et ça prend beaucoup de temps pour effectuer un test compréhensif, mais ça dépend aussi de la taille et l'envergure de l'application concernée. Quelle est leur réaction quand vous leur présentez par A plus B le fait qu'ils ont une faille de sécurité et qu'ils doivent la résoudre? Est-ce qu'ils vous disent merci de façon discrète? Est-ce qu'ils vous rémunèrent? Comment ça se passe? Oui, la plupart du temps, ils sont un peu surpris qu'on a pu quand même déceler une faille de sécurité. Les programmes dans lesquels je participe, ils ont ce qu'on appelle un programme de bug bounty, c'est-à-dire qu'on fait appel à des hackers blancs pour les aider à sécuriser leurs produits et services, et en contrepartie de chaque vulnérabilité valide et unique, on obtient une récompense, que ce soit monétaire ou bien symbolique. Vous, personnellement, quelle est la faille de sécurité que vous êtes le plus fier d'avoir décelée? La faille dont je suis le plus fier serait dans un site web de type un réseau social que je ne peux malheureusement pas divulguer parce qu'ils opèrent un programme privé. Donc j'ai pu en fait gagner un accès complet à leur serveur web avec des privilèges d'un utilisateur supérieur, c'est-à-dire qu'il m'a permis de... que la femme m'aurait donné un pouvoir d'exécuter n'importe quelle commande sur le serveur et éventuellement gagner un accès à la base de données qui contient des milliers d'utilisateurs avec des informations personnelles et confidentielles. Donc c'était vraiment l'une des des bugs dont je suis le plus fier. Et ouais. Je comprends. Et une toute dernière question. Quand on cherche des failles comme ça, est-ce qu'on cherche un peu au hasard ou est-ce qu'on sait a priori à peu près où chercher? Est-ce qu'il y a des failles récurrentes? Ouais, bien sûr. Bien sûr, il faudra avoir des connaissances en la matière et il y a des types de failles ou bien de vulnérabilités qui sont communes. Donc, il faudra les apprendre et avant de chercher dans une application, il faut aussi comprendre l'application, comprendre la logique et le fonctionnement de l'application, avoir une méthodologie personnelle pour bien procéder dans la recherche. Sinon, le hasard ne marche pas dans cette industrie. Voilà, Yacine Aboukir, interrogé par Antoine Beauchamp. Votre réaction, Gérard Berry? Ah ben, c'est tout à fait ce qui se passe en ce moment dans énormément de domaines. Il y a quand même, là, il parlait de cibles difficiles, c'est des gens qui sont au courant. Le grand danger, c'est qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas du tout au courant. Par exemple, les virus Petya, NotPetya ont attaqué les machines tournant sous Windows XP, dont Microsoft déconseillait depuis très longtemps l'usage en disant que c'était déraisonnable. Et c'est assez fréquent, ça, malheureusement. Et ça fait des gros dégâts. Par exemple, il y a eu des gros rançonnages d'hôpitaux en Angleterre. Il y a eu un hôpital évacué en Angleterre. Évacuer un hôpital, c'est monstrueux. Donc, il y a quand même deux choses. Il y a l'incurie qui est assez forte. Par exemple, j'ai entendu que la police londonienne était passée de Windows XP à Windows Vista, ce qui est un unique dans l'histoire. Oui, c'était une régression. Il n'y a pas longtemps. Ouais. Ouais. Mais il y a autre chose, c'est que le sujet est vraiment dur. C'est-à-dire que les programmes sont des très gros objets et c'est pas dans leur fonctionnalité que ça se passe. C'est des petits trous. On rentre par des minuscules trous et ça fait comme un ballon de baudruche. On perce un trou là et fouf, tout se dégonfle. Et des petits trous, il y en a beaucoup. Et à l'heure actuelle, il y en a des très sérieux à l'intérieur des microprocesseurs, ce qu'on appelle spectre, les failles spectre et meltdown, qui vont probablement modifier la façon dont on fait les microprocesseurs, probablement agir sur les optimisations. Ce sont des failles extrêmement subtiles qu'on appelle des canaux cachés. C'est-à-dire tout est correct dans le processeur, sauf qu'on a oublié quelque chose. Par exemple, le canal caché, j'en donne un, Adi Shamir, qui est un des dieux du domaine, a pu casser le code secret RSA, celui qu'on utilise beaucoup dans les cartes bancaires, par exemple, en écoutant le bruit de l'alimentation de l'ordinateur avec un téléphone. On en avait parlé ici. Bon, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des comme ça. Il y a un grand combat de chat et de souris. C'est sérieux. On arrive dans les toutes dernières secondes de cette émission, Gérard Berry. Il y a plein de sujets qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'évoquer. Peut-être un dernier mot à propos justement de cette méconnaissance générale et notamment de la part des grands acteurs politiques ou industriels, publics et privés. On entend à tout bout de champ révolution numérique. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que nos gouvernements, que nos gouvernants ont pris, eux, la mesure de la transformation de la société qui est en train d'advenir? Alors c'est clairement en train de changer depuis 3 ans, 4 ans, c'est clairement en train de changer. Les gens avant employaient les mots et cherchaient pas trop à comprendre ce qui se passe. Maintenant, c'est vraiment en train de changer. Alors certainement au niveau de la population générale, pas encore forcément au niveau des industries, des systèmes, des grands réseaux, etc. Des votes, par exemple, on fait confiance au vote électronique de façon déraisonnable à l'heure actuelle. C'est en train de changer quand même et les gens commencent à se renseigner. Ça, c'est le début des bonnes choses. Eh bien voilà, si les gens veulent continuer de se renseigner et poursuivre ces bonnes choses, je vous recommande chaleureusement l'hyperpuissance de l'informatique, algorithme, données, machines, réseau de Gérard Berry. C'est aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité, le troisième de cette troisième saison de La Méthode Scientifique. Merci également à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Noémie Nagat-Saint-Ville, Francine Lozen, Étienne Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Alex Dang à la technique. Et la suite de vos aventures scientifiques cette semaine. Demain, nous retournerons dans le passé pour évoquer la très riche actualité estivale en matière de paléoanthropologie, ainsi qu'interroger les représentations de la femme dans la préhistoire. Nous le ferons avec l'historienne et philosophe des sciences Claudine Cohen. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.